avec une négation en utilisant la main. Tayeb, lui explique après, vite fait, il dit la main aktoub. Et ça veut dire quoi? Lam aktoub bard. Tu peux dire les deux. Tayeb, lam aktoub, si je n'ai pas encore écrit, ou lam aktoub bardou, quand on met comme ça, c'est pareil, c'est le même sens, c'est-à-dire je n'ai pas encore écrit. Marna huma, ma kataptou il el en, je n'ai pas écrit jusqu'à présent. C'est ça que ça veut dire. Tayeb, jumla l'oula, afahimta adersa. Ou afahimti adersa ya Zainab, as-tu compris le cours au Zainab? Lama afhami. Tu commences par là? La, aïwa. La, lama afhami darsa. Naam. Elle dit non, je n'ai pas encore compris le cours. Thanyan, araja abouka min Dameshka ya am ou Omar. Est-ce que ton père est revenu de Damas, comme on dirait? Dimashka. Ou Omar? Omar. La. Lama yarjia abi min Dimashqa. Non, donc mon père n'est pas encore revenu de Dimashq, Damas. Thalifan, adakhala al mudarrisu al fasla. Est-ce que le professeur est entré dans la classe? La, lama yadkh, lama. Attends. La, n'am. Lama yadkhul al mudar lama yadkhul al mudarris al fasl. Non, il dit non, le professeur n'est pas encore entré dans la classe. Rabian, كتبتم الواجبات يا إخوان. Avez-vous écrit les devoirs ou les frères? لا لما نكتب الواجبات. Non, nous n'avons pas encore écrit les devoirs. خامسا أقرأنا الدرس الرابع. Donc il dit avons-nous lu le quatrième cours? لا لما نقرأ الدرس. Il dit non, nous n'avons pas encore lu le الرابع. Bien sûr. سادسا Rassalti comme ça, ni ya oumi, as-tu lavé mes camis au Omer ou ma mère? Là, lama tarsil comme ça. Là, c'est le soulel moukhata, donc tu vois, moutakalim. Tu vas répondre par moutakalim. C'est la mère qui est. Non, lama arsil. Non. Lama arsil. Lama arsil comme ça. Taïe. Sabian, ezahaba zamiluke le taïf ya Ali. Est-ce que ton camarade a été au Taif ou au Ali? La, lama yadhab zamili il est Taif. Donc, il me dit, mon camarade n'a pas encore été à Taif. Taïb, eux, ils disent quoi en dessous? Yajouz haf manfi lama. Taïb, fa yumkino l'ektifa bi lama fakot fi jawab. Masalan, araja abouka, ashtakul. Lama. Il te dit quoi? Qui t'est permis d'enlever la négation, c'est-à-dire la phrase qui vient après lama. Tu as le droit de l'enlever. Taïeb, et tu peux te contenter juste de lama tout seul. Par exemple, on te dit Arja Abuka. Tu peux dire lama yarjia abi, ou tu peux dire lama, tu t'arrêtes. Taïeb. Et quand tu dis lama, il y a un temps que dire, c'est la phrase, elle est sous-entendue. Tu as le droit de dire juste lama tout seul. Bon, la phrase d'après, on n'a pas besoin. C'est un truc par rapport au Darija. Non, on passe directement au cinquième. Ta'ammel, sir, al-mudali, al-majzoum. Donc, il te dit, regarde bien la forme du présent quand il est majzoum. Quand il y a harf jazm qui est entré sur lui. Il dit, awalan, aramat al-raf, al-damma, ou aramat al-jazm, al-sukun. Donc, il dit, le signe du raf, c'est quoi? C'est la damma, dans le fi'l. Et la arama du jazm, le signe du jazm, c'est le sukun. Par exemple, il dit huwa yadhhabu. Là, c'est marfou. Donc, le majzoum, c'est huwa lam yadhhab avec le sukun. Hiya tadhhabu. Marfou avec une damma. Hiya lam tadhhab. Majzoum avec une sukun. Anta tadhhabu. Marfou avec une damma. Anti ou anta lam tadhhab. Majzoum avec une sukun. Ana adhhabu. Marfou avec une damma. أنا لم أذهب مجزوم يكن سكون نحن نذهب مرفوع يكن دمّا نحن لم نذهب مجزوم يكن سكون. Ça c'est pourquoi pour tout ce qui est pas parmi les afal et khamsa et tout ce qui n'a pas non plus un harf illa à la fin. Tu te rappelles tout ce qui n'a pas de ya ou de waou ou de alif à la fin. Donc tous ces verbes là ils prennent quoi une dhamma quand ils sont majzoum. Alamat jazmiha la dhamma. Après maintenant il vient quoi avec les afal et khamsa. Il dit Aramat Raf, Thubut en Noun, Waramat Jazm, Hasfuha. Il dit donc le signe du Raf dans les Afal et Khamsa, ceux qui ont un domir qui est attaché, la signe du raf, c'est quoi? Le noun. Et le signe de leur jazm, c'est qu'on enlève son noun. Comme le nas. C'est le même signe. On enlève le noun. Mais ça nous dit, Hum yadhaboun. Donc là, il est marfou avec quoi? Hum yadhaboun. Marfou avec le noun. Takul Hum lam yadhabou. Donc là, il est majzoum avec hasf noun. On enlève le noun. Antum tadhabouna. Marfou avec le noun. Antum lam tadhabou. Majzoum sans le noun. Anti tadhabina. Là, il est marfou avec le noun. Anti lam tadhabi. Majzoum sans le noun. Ça y est. Et on avait dit quoi lorsque un verbe est attaché au noun ni soi, c'est quoi ce hukm? Il est même dit. Donc ça veut dire qu'il ne change pas. Ni dans le nasb, ni dans le raf, ni dans le jazm. Donc il va dire quoi? Bunna yadhabna. Elles vont. Ça y est. Donc là, le fa'il c'est quoi? Le noun ni soi. Yadhabna. Enfin, quand c'est le majum, tu dis quoi? Hunna lam yadhabna. Il reste pareil. Il ne change pas. Antunna tadhabna. Là, il est marfou, ou plutôt fi mahal raf. Il est en situation de raf, mais il est même dit, donc tu vois pas de signe. Et au jazm, il dit Antunna lam tadhabna. Donc là, il est quoi en situation de jazm? Mais seulement, tu vois pas le signe. Et c'est tout le temps comme ça avec le niswa. Le fiel est même dit. Il dit Sadisam Atril lem al afal atiya. Donc rentre lem dans les verbes suivants. Adhabu. Qu'est-ce que t'as Lem al-Ahab. Naam. Yadhabouna. Attends deux secondes, j'ai perdu la page. 150. Lam yadhabou. Naam. Yadhabna. Lam yadhabna. Naam, les mêmes lignes ne changent pas. Tadhabina. Lam tadhabi. Naam. Tadhabou. Lam tadhab. Naam. Tadhabouna. Lam tadhabou. Tadhabou. Lam tadhab. Ah, nadhabou, enfin, j'ai dit nadhab, c'est un noun. Nadhabou. Lam nadhab. Tadhabna. Lam tadhabna. Naam, même lignes que nous n'y soyons. Wa yadhab. Lam yadhab. Naam. Sadhbian. Il dit Akmil Jumal Atiya bi wad afal munasaba fil amakin al khaliya. Donc il dit remplis les phrases suivantes en mettant un verbe correspondant dans les trous. Alam tadrusi al-lughata al-arabiyyata fi baladik ya akhi. Non, n'as-tu pas étudié l'anglais dans ton pays, oh mon frère, Hassan. Thaniyan. Man kasara hadhihi al-imra'ata ya Ali. Ah. هذه ايش؟ مرآة مراء سميه هو اه لكم نعم مرآة نعم من كسر هذه المراء يا علي لا ادري انا لم اكسرها نعم دي كي كسر سميه هو علي دي je ne sais pas moi je n'ai pas cassé ثالثا اخرج طلاب من الفصل يا حامد لا لم يخرجوا نعم دي est-ce que les tous les sortis de la classe au Hamid, il dit non, ils ne sont pas sortis. Rabian. Qalat al-mudarrisa lil-mudira inna ha'ula'i talibati lam taktabna al-wajib. Ya. Quoi? Non? Taktabna. Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est pas la tatoune. Comment ça? Là, c'est un raïb. Ah non. C'est une tatouna, c'est un tunna. Non, non. Là, c'est un roib qui vole. Hunna, il vole. Donc, tu dis ah, il y a avec le ya, il y a que tunna. Ah, ben, tu dis ah, il y a que tunna. Non, inna ha'ula'i talibati, lam yaktunna al-wajibat. Non, marcin. Donc, l'enseignante a dit à la directrice, certes, ces étudiantes-là n'ont pas écrit leurs devoirs. Non. Khamisan. Nahnu lam nadhhab ila hadiqati al-hayawanat yams. Donc il dit, nous ne sommes pas, nous n'avons pas été au zoo hier. Salut Sam. Ali, kanaset, ukhti ghurfataha, walam taknis, walam taknus ghurfati. Non. Il dit, ma soeur a balayé sa chambre, mais n'a pas balayé la mienne. Sabian. Lima lam ta'kulu al-fawakiha ya ikhwan. Non, mais dis pourquoi ne mangez-vous pas, n'avez-vous pas mangé des fruits, oh les frères. Faminam. Ya Salma, alam tatham ma'ana hadhihi al-kalima. Oh Salma, n'as-tu pas compris le sens de ce mot? Gracias. Ranna al-jarasul ana, walamma

Istarih. Istarih, c'est le amr, impératif de istaraha, yastarihu, qui veut dire se reposer. Donc je dis istarih, maintenant repose-toi. Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah, t'astarih, Inch'Allah. Farkun, jam furuq. Fark, c'est déjà une différence. Vous voyez, le fark bina hada wa hada, la différence entre ça et ça. Qismun, jam aqsam, catégorie. Vous voyez, ça peut être une division, ça peut être un rayon dans un magasin. Al-kasra, ma'louf, c'est le petit trait qui est en dessous d'un harf, qui se prononce i. Et ata ya'ti, vous voyez, ça c'est venir. Vous voyez, ça c'est venir. Fa'intayna min hada. Donc, pour demain, on avait dit quoi, juste le 1 à faire, inchallah, les questions. Et on prendra l'exercice 10 en l'ajoutant à Wa'alamat al-Kalimat, Aqsam al-Kalimat, avec le mot Raja'ad et Alamat al-Nasb ou al-Jazm ou al-Raf. Fa'il la'una. Alhamdulillah.